Chapitre 5e. Il fallait 12 000 francs ou bien il ne reverrait plus Madame Arnoux. Et jusqu'à présent, un espoir invincible lui était resté. Est-ce qu'elle ne faisait pas comme la substance de son cœur, le fond même de sa vie? Il fut pendant quelques minutes à chanceler sur le trottoir, se rongeant d'angoisse, heureux néanmoins de n'être plus chez l'autre. Où avoir de l'argent? Frédéric savait par lui-même combien il est difficile d'en obtenir tout de suite, à n'importe quel prix. Une seule personne pouvait l'aider, Madame d'Ambreuse. Elle gardait toujours dans son secrétaire plusieurs billets de banque. Il alla chez elle, et d'un ton hardi. « As-tu 12 000 francs à me prêter ? Pourquoi ?» C'était le secret d'un autre. Elle voulait le connaître. Il ne céda pas. Tous deux s'obstinaient. Enfin, elle déclara ne rien donner, avant de savoir dans quel but. Frédéric devint très rouge. Un de ses camarades avait commis un vol. La somme devait être restituée aujourd'hui même. Tu l'appelles? Son nom? Voyons, son nom! Dussardier. Et il se jeta à genoux en la suppliant de n'en rien dire. Quelle idée as-tu de moi? Reprit Madame d'Ambreuse. On croirait que tu es le coupable. Finis donc tes airs tragiques. Tiens, les voilà, et grand bien lui fasse. Il courut chez Arnoux. Le marchand n'était pas dans sa boutique, mais il logeait toujours rue Paradis, car il possédait deux domiciles. Rue Paradis, le portier jura que M. Arnoux était absent depuis la veille. Quant à Madame, il n'osait rien dire, et Frédéric, ayant monté l'escalier comme une flèche, colla son oreille contre la serrure. Enfin, on ouvrit. Madame était partie avec Monsieur. La bonne ignorait quand il reviendrait. Ses gages étaient payés. Elle-même s'en allait. Tout à coup, un craquement de porte se fit entendre. « Mais il y a quelqu'un ?»« Non, monsieur, c'est le vent. » Alors il se retira. N'importe, une disparition si prompte avait quelque chose d'inexplicable. Regimbard, étant l'intime de Mignot, pouvait peut-être l'éclairer. Et Frédéric se fit conduire chez lui, à Montmartre, rue de l'Empereur. Sa maison était flanquée d'un jardinet, clos par une grille que bouchaient des plaques de fer. Un perron de 3 marches relevait la façade blanche, et en passant sur le trottoir, on apercevait les 2 pièces du rez-de-chaussée, dont la première était un salon avec des robes partout sur les meubles, et la seconde, l'atelier où se tenaient les ouvrières de Madame Regimbard. Toutes étaient convaincues que monsieur avait de grandes occupations, de grandes relations, que c'était un homme complètement hors ligne. Quand il traversait le couloir, avec son chapeau à bords retroussés, sa longue figure sérieuse et sa redingote verte, elles en interrompaient leur besogne. D'ailleurs, il ne manquait pas de leur adresser toujours quelques mots d'encouragement. Une politesse sous forme de sentence, et plus tard, dans leur ménage, elle se trouvait malheureuse parce qu'elle l'avait gardée pour idéal. Aucune cependant ne l'aimait comme Madame Regimbard, petite personne intelligente qui le faisait vivre avec son métier. Dès que M. Moreau eut dit son nom, elle vint prestement le recevoir, sachant par les domestiques ce qu'il était à Madame d'Ambreuse. Son mari rentrait à l'instant même, et Frédéric, tout en la suivant, admira la tenue du logis et la profusion de toiles cirées qu'il y avait. Puis il attendit quelques minutes, dans une manière de bureau, où le citoyen se retirait pour penser. Son accueil fut moins rébarbatif que d'habitude. Il conta l'histoire d'Arnoux. L'ex-fabricant de faïence avait enguirlandé Mignot, un patriote, possesseur de 100 actions du siècle, en lui démontrant qu'il fallait, au point de vue démocratique, changer la gérance et la rédaction du journal. Et sous prétexte de faire triompher son avis dans la prochaine assemblée des actionnaires, il lui avait demandé 50 actions, en disant qu'il les repasserait à des amis sûrs, lesquels appuieraient son vote. Mignot n'aurait aucune responsabilité, ne se fâcherait avec personne. Puis, le succès obtenu, il lui ferait avoir dans l'administration une bonne place, de 5 à 6 000 francs pour le moins. Les actions avaient été livrées, mais Arnoux, tout de suite, les avait vendues, et avec l'argent s'était associé à un marchand d'objets religieux. Là-dessus, réclamation de Mignot, l'enternement d'Arnoux, enfin, le patriote l'avait menacé d'une plainte en escroquerie s'il ne restituait ses titres ou la somme équivalente, 50 000 francs. Frédéric Guller, désespéré. « Ce n'est pas tout, » dit le citoyen. Mignot, qui est un brave homme, s'est rabattu sur le quart. Nouvelle promesse de l'autre, nouvelle farce naturellement. Bref, avant-hier matin, Mignot l'a sommé d'avoir à lui rendre, dans les 24 heures, sans préjudice du reste, 12 000 francs. Mais je les ai, dit Frédéric. Le citoyen se retourna lentement. Blagueur. Pardon, ils sont dans ma poche, je les apportais. Comme vous y allez, vous, nom d'un petit bonhomme. Du reste, il n'est plus temps. La plainte est déposée et Arnaud partit. Seul? Non, avec sa femme, on les a rencontrés à la gare du Havre. Frédéric pâlit extraordinairement. Madame Rejabard crut qu'il allait s'évanouir. Il se contint, et même, il eut la force d'adresser deux ou trois questions sur l'aventure. Rejabard s'en attristait, tout cela en somme nuisant à la démocratie. Arnoux avait toujours été sans conduite et sans ordre. Une vraie tête de linotte. Il brûlait la chandelle par les deux bouts. Le cotillon l'a perdu. Ce n'est pas lui que je plains, mais sa pauvre femme. Car le citoyen admirait les femmes vertueuses et faisait grand cas de Madame Arnoux. Elle a dû joliment souffrir. Frédéric lui sut gré de cette sympathie, et comme s'il en avait reçu un service, il serra la main avec effusion. « As-tu fait toutes les courses nécessaires ?» dit Rosanette en le revoyant. « Il n'en avait pas eu le courage, » répondit Daniel, et avait marché au hasard dans les rues pour s'étourdir. À 8 heures, ils passèrent dans la salle à manger, mais ils restèrent silencieux l'un devant l'autre, poussaient par intervalle un long soupir et renvoyaient leur assiette. Frédéric but de l'eau-de-vie. Il se sentait tout délabré, écrasé, anéanti, n'ayant plus conscience de rien que d'une extrême fatigue. Elle alla chercher le portrait. Le rouge, le jaune, le vert et l'indigo s'y heurtaient par taches violentes, en faisaient une chose hideuse, presque dérisoire. D'ailleurs, le petit mort était méconnaissable maintenant. Le ton violacé de ses lèvres augmentait la blancheur de sa peau. Les narines étaient encore plus minces, les yeux plus caves, et sa tête reposait sur un oreiller de taffetas bleu, entre des pétales de camélia, des roses d'automne et des violettes. C'était une idée de la femme de chambre. Elle l'avait ainsi arrangée toutes les deux dévotement. La cheminée couverte d'une housse en guipure supportait des flambeaux de vermeil espacés par des bouquets de buis bénis. Au coin, dans les deux vases, des pastilles du sérail brûlaient. Tout cela formait avec le berceau une manière de reposoir, et Frédéric se rappela sa veillée près de M. d'Ambreuse. Tous les quarts d'heure à peu près, Rosanette ouvrait les rideaux pour contempler son enfant. Elle l'apercevait, dans quelques mois d'ici, commençant à marcher, puis au collège, au milieu de la cour, jouant au bar, puis à 20 ans, jeune homme. Et toutes ces images qu'elle se créait lui faisaient comme autant de fils qu'elle aurait perdu, l'excès de la douleur multipliant sa maternité. Frédéric, immobile dans l'autre fauteuil, pensait à Madame Arnoux. Elle était en chemin de fer, sans doute, le visage au carreau d'un wagon, et regardant la campagne s'enfuir derrière elle du côté de Paris. Ou bien sur le pont d'un bateau à vapeur, comme la première fois qu'il l'avait rencontrée. Mais celui-là s'en allait indéfiniment vers des pays d'où elle ne sortirait plus. Puis, il la voyait dans une chambre d'auberge, avec des malles par terre, un papier de tenture en lambeaux, la porte qui tremblait au vent. Et après, que deviendrait-elle ? Institutrice, dame de compagnie, femme de chambre, peut-être. Elle était livrée à tous les hasards de la misère. Cette ignorance de son sort le torturait. Il aurait dû s'opposer à sa fuite ou partir derrière elle. N'était-il pas son véritable époux ? Et en songeant qu'il ne la retrouverait jamais, que c'était bien fini, qu'elle était irrévocablement perdue, il sentait comme un déchirement de tout son être. Ses larmes accumulées depuis le matin débordèrent. Rosanette s'en aperçut. « Ah, tu pleures comme moi. Tu as du chagrin. »« Oui, oui, j'en ai. » Il la serra contre son cœur et tous deux sanglotaient en se tenant embrassés. Madame d'Ambreuse aussi pleurait, couchée sur son lit à plat ventre, la tête dans ses mains. Olympe Rejabard, étant venue le soir lui essayer sa première robe de couleur, avait compté la visite de Frédéric, et même qu'il tenait tout près 12 000 francs destinés à M. Arnoux. Ainsi, cet argent, son argent à elle, était pour empêcher le départ de l'autre, pour se conserver une maîtresse. Elle eut d'abord un accès de rage, et elle avait résolu de le chasser comme un laquais. Des larmes abondantes la calmèrent. Il valait mieux tout renfermer, ne rien dire. Frédéric, le lendemain, rapporta les 12 000 francs. Elle le pria de les garder en cas de besoin pour son ami, et elle l'interrogea beaucoup sur ce monsieur. Qui donc l'avait poussé à un tel abus de confiance? Une femme, sans doute. Les femmes vous entraînent à tous les crimes. » Ce ton de persiflage décontenança Frédéric. Il éprouvait un grand remords de sa calomnie. Ce qui le rassurait, c'est que Madame d'Ambreuse ne pouvait connaître la vérité. Elle y mit de l'entêtement cependant, car le surlendemain, elle s'informa encore de son petit camarade, puis d'un autre, de Deslauriers. « Est-ce un homme sûr et intelligent ?» Frédéric le vanta. « Priez-le de passer à la maison un de ces matins. Je désirais le consulter pour une affaire. » Elle avait trouvé un rouleau de paperasse contenant des billets d'Arnoux parfaitement protestés et sur lesquels Madame Arnoux avait mis sa signature. C'était pour cela que Frédéric était venu une fois chez M. d'Ambreuse pendant son déjeuner. Et bien que le capitaliste n'eût pas voulu en poursuivre le recouvrement, il avait fait prononcer par le tribunal de commerce non seulement la condamnation d'Arnoux, mais celle de sa femme, qu'il ignorait, son mari n'ayant pas jugé convenable de l'en avertir. C'était une arme, cela. Madame d'Ambreuse n'en doutait pas, mais son notaire lui conseillera peut-être l'abstention. Elle lui préférait quelqu'un d'obscur. Et elle s'était rappelé ce grand diable, à mine impudente, qui lui avait offert ses services. Frédéric fit naïvement sa commission. L'avocat fut enchanté d'être mis en rapport avec une si grande dame. Il accourut. Elle le prévint que la succession appartenait à sa nièce, motif de plus pour liquider ses créances qu'elle rembourserait, tenant à accabler les époux Martinon des meilleurs procédés. Deslauriers comprit qu'il y avait là-dessous un mystère. Il y rêvait en considérant les billets. Le nom de Madame Arnoux, tracé par elle-même, lui remit devant les yeux toute sa personne et l'outrage qu'il en avait reçu. Puisque la vengeance s'offrait, pourquoi ne pas la saisir? Il conseillait donc à Madame d'Ambreuse de faire vendre aux enchères les créances désespérées qui dépendaient de la succession. Un homme de paille les rachèterait en sous-main et exercerait les poursuites. Il se chargeait de fournir cet homme-là. Vers la fin du mois de novembre, Frédéric, en passant dans la rue de Madame Arnoux, leva les yeux vers ses fenêtres et aperçut contre la porte une affiche où il y avait en grosses lettres « Vente d'un riche mobilier consistant en batterie de cuisine, linge de corps et de table, chemise, dentelle, jupon, pantalon, cachemire français et de l'Inde, piano des rares, deux bahuts de chêne Renaissance, miroir de Venise, poterie de Chine et du Japon. » « C'est leur mobilier, » se dit Frédéric, et le portier confirma ses soupçons. Quant à la personne qui faisait vendre, il l'ignorait. Mais le commissaire-priseur, maître Berthelmot, donnerait peut-être des éclaircissements. L'officier ministériel ne voulut point, tout d'abord, dire quel créancier poursuivait la vente. Frédéric insista. C'était un sieur sénécal, agent d'affaires, et maître Berthelmot poussa même la complaisance jusqu'à prêter son journal des petites affiches. Frédéric, en arrivant chez Rosanette, le jeta sur la table tout ouvert. « Lis donc !»« Eh bien quoi ? » dit-elle, avec une figure tellement placide qu'il en fut révolté. « Ah ! Garde ton innocence !»« Je ne comprends pas. »« C'est toi qui fais vendre Madame Arnoux ?» Elle relut l'annonce. « Où est son nom ?»« Eh ! C'est son mobilier. Tu le sais mieux que moi. » « Qu'est-ce que ça me fait ?» dit Rosanette en haussant les épaules. « Ce que ça te fait ? Mais tu te venges, voilà tout. C'est la suite de tes persécutions. Est-ce que tu ne l'as pas outragée jusqu'à venir chez elle, toi, une fille de rien ? La femme la plus sainte, la plus charmante et la meilleure. Pourquoi t'acharnes-tu à la ruiner ? Tu te trompes, je t'assure. Allons donc, comme si tu n'avais pas mis Sénécal en avant. Quelle bêtise ! » Alors, une fureur l'emporta. « tu mens, misérable. Tu es jalouse d'elle. Tu possèdes une condamnation contre son mari. Sénécal s'est déjà mêlé de tes affaires. Il déteste Arnoux. Vos deux haines s'entendent. J'ai vu sa joie quand tu as gagné ton procès pour le kaolin. Le nieras-tu, celui-là ? Je te donne ma parole. Oh, je la connais, ta parole. » Et Frédéric lui rappela ses amants par leur nom, avec des détails circonstanciés. Rosanette, toute pâlissante, se reculait. « Cela t'étonne. Tu me croyais aveugle parce que je fermais les yeux. J'en ai assez aujourd'hui. On ne meurt pas pour les trahisons d'une femme de ton espèce. Quand elles deviennent trop monstrueuses, on s'en écarte. Ce serait se dégrader que de les punir. Elle se tordait les bras. « Mon Dieu, qu'est-ce donc qui l'a changé ? Pas d'autre que toi-même. Et tout cela pour Madame Arnoux ?» s'écria Rosalette en pleurant. Il reprit froidement. « Je n'ai jamais aimé qu'elle. » À cette insulte, ses larmes s'arrêtèrent. « Ça prouve ton bon goût. Une personne d'un âge mûr, le teint couleur de réglisse, la taille épaisse, des yeux grands comme des soupiraux de cave, et vite comme eux, puisque ça te plaît, va la rejoindre. C'est ce que j'attendais, merci. » Rosanette demeura immobile, stupéfiée par ses façons extraordinaires. Elle laissa même la porte se refermer. Puis, d'un bond, elle le rattrapa dans l'antichambre et l'entourant de ses bras. « Mais tu es fou, c'est absurde, je t'aime !» Elle le suppliait. « Mon Dieu, au nom de notre petit enfant !»« Avoue que c'est toi qui as fait le coup !» dit Frédéric. Elle protesta encore de son innocence. « Tu ne veux pas avouer ?»« Non. Eh bien, adieu, et pour toujours. Écoute-moi. » Frédéric se retourna. « Si tu me connaissais mieux, tu saurais que ma décision est irrévocable. »« Oh, oh, tu me reviendras. Jamais de la vie !» Et il fit claquer la porte violemment. Rosanette écrivit à Deslauriers qu'elle avait besoin de lui, tout de suite. Il arriva, 5 jours après, un soir, et quand elle eut conté sa rupture. Ce n'est que ça, beau malheur. Elle avait cru d'abord qu'il pourrait lui ramener Frédéric, mais à présent tout était perdu. Elle avait appris, par son portier, son prochain mariage avec Madame d'Ambreuse. Deslauriers lui fit de la morale, se montra même singulièrement gai, farceur, et comme il était fort tard, demanda la permission de passer la nuit sur un fauteuil. Puis, le lendemain matin, il repartit pour Nogent, en la prévenant qu'il ne savait pas quand il se reverrait. D'ici à peu, il y aurait peut-être un grand changement dans sa vie. 2 heures après son retour, la ville était en révolution. On disait que M. Frédéric allait épouser Mme d'Ambreuse. Enfin, les 3 demoiselles Auger, n'y tenant plus, se transportèrent chez Mme Moreau, qui confirma cette nouvelle avec orgueil. Le père Aucan fut malade, Louise s'enferma, le bruit courut même qu'elle était folle. Cependant, Frédéric ne pouvait cacher sa tristesse. Madame d'Ambreuse, pour l'en distraire sans doute, redoublait d'attention. Toutes les après-midi, elle le promenait dans sa voiture, et une fois qu'il passait sur la place de la Bourse, elle eut l'idée d'entrer dans l'hôtel des commissaires-priseurs par amusement. C'était le 1er décembre, jour même où devait se faire la vente de Madame Arnoux. Il se rappela la date et manifesta sa répugnance en déclarant ce lieu intolérable à cause de la foule et du bruit. Elle désirait y jeter un coup d'œil seulement. Le coupé s'arrêta, il fallait bien la suivre. On voyait dans la cour des lavabos sans cuvette, des bois de fauteuils, de vieux paniers, des tessons de porcelaine, des bouteilles vides, des matelas. Et des hommes en blouse ou en sale redingote, tout gris de poussière, la figure ignoble, quelques-uns avec des sacs de toile sur l'épaule, causaient par groupes distincts où se hêlaient tumultueusement. Frédéric objecta les inconvénients d'aller plus loin. « Ah, bah !» Et ils montèrent l'escalier. Dans la première salle, à droite, des messieurs, un catalogue à la main, examinaient des tableaux. Dans une autre, on vendait une collection d'armes chinoises. Madame d'Ambreuse voulut descendre. Elle regardait les numéros au-dessus des portes, et elle le mena jusqu'à l'extrémité du corridor, vers une pièce encombrée de monde. Il reconnut immédiatement les 2 étagères de l'art industriel, sa table à ouvrage, tous ses meubles. Entassés au fond, par rang de taille, ils formaient un large talus depuis le plancher jusqu'aux fenêtres. Et sur les autres côtés de l'appartement, les tapis et les rideaux pendaient droit le long des murs. Il y avait en dessous des gradins occupés par de vieux bonshommes qui sommeillaient. À gauche, s'élevait une espèce de comptoir où le commissaire-priseur, en cravate blanche, brandissait légèrement un petit marteau. Un jeune homme, près de lui, écrivait, et plus bas, debout, un robuste gaillard, tenant du commis-voyageur et du marchand de contremarque, criait les meubles à vendre. 3 garçons les apportaient sur une table que bordaient, assis en ligne, des brocanteurs et des revendeuses. La foule circulait derrière eux. Quand Frédéric entra, les jupons, les fichus, les mouchoirs et jusqu'aux chemises étaient passés de main en main, retournés. Quelquefois, on les jetait de loin, et des blancheurs traversaient l'air tout à coup. Ensuite, on vendit ses robes, puis un de ses chapeaux, dont la plume cassée retombait, puis ses fourrures, puis 3 paires de bottines. et le partage de ses reliques, où il retrouvait confusément les formes de ses membres, lui semblait une atrocité, comme s'il avait vu des corbeaux déchiquetant son cadavre. L'atmosphère de la salle, toute chargée d'haleine, l'écœurait. Madame d'Ambreuse lui offrit son flacon. Elle se divertissait beaucoup, disait-elle. On exhiba les meubles de la chambre à coucher. Maître Berthelmot annonçait un prix. Le crieur, tout de suite, le répétait plus fort. Et les trois commissaires attendaient tranquillement le coup de marteau, puis emportaient l'objet dans une pièce contiguë. Ainsi disparurent, les uns après les autres, le grand tapis bleu semé de camélias que ses pieds mignons frôlaient en venant vers lui, la petite bergère de tapisserie où il s'asseyait toujours en face d'elle quand ils étaient seuls, les deux écrans de la cheminée dont l'ivoire était rendu plus doux par le contact de ses mains, une pelote de velours encore hérissée d'épingles. C'était comme des parties de son cœur qui s'en allaient avec ces choses, et la monotonie des mêmes voix, des mêmes gestes, l'engourdissait de fatigue, lui causait une torpeur funèbre, une dissolution. Un craquement de soie se fit à son oreille. Rosanette le touchait. Elle avait eu connaissance de cette vente par Frédéric lui-même. Son chagrin passé, l'idée d'en tirer profit lui était venue. Elle arrivait pour le voir, en gilet de satin blanc à boutons de perles, avec une robe à falbala, étroitement gantée, l'air vainqueur. Il pâlit de colère. Elle regardait la femme qui l'accompagnait. Madame d'Ambreuse l'avait reconnue, et pendant une minute, elles se considérèrent de haut en bas, scrupuleusement, afin de découvrir le défaut, la tare, l'une enviant peut-être la jeunesse de l'autre, et celle-ci, dépitée par l'extrême bon ton, la simplicité aristocratique de sa rivale. Enfin, Madame d'Ambreuse détourna la tête, avec un sourire d'une insolence inexprimable. Le crieur avait ouvert un piano, son piano. Tout en restant debout, il fit une gamme de la main droite et annonça l'instrument pour 1200 francs, puis se rabattait à 1000, à 800, à 700. Madame d'Ambreuse, d'un ton folâtre, se moquait du sabot. On posa devant les brocanteurs un petit coffret avec des médaillons, des angles et des fermoirs d'argent, le même qu'il avait vu au premier dîner de la rue de Choiseul, qui, ensuite, avait été chez Rosanette, était revenu chez Madame Arnoux. Souvent, pendant leur conversation, ses yeux le rencontraient. Il était lié à ses souvenirs les plus chers et son âme se fondait d'attendrissement. Quand Madame d'Ambreuse dit tout à coup « Tiens, je vais l'acheter. » « Mais ce n'est pas curieux, » reprit-il. Elle le trouvait au contraire fort joli et le crieur en prônait la délicatesse. « Un bijou de la Renaissance, 800 francs, messieurs. En argent presque tout entier. Avec un peu de blanc d'Espagne, ça brillera. » Et comme elle se poussait dans la foule, « Quelle singulière idée !» dit Frédéric. « Cela vous fâche ?»« Non, mais que peut-on faire de ce bibelot ?»« Qui sait, y mettre des lettres d'amour, peut-être ?» Elle eut un regard qui rendait l'allusion fort claire. « Raison de plus pour ne pas dépouiller les morts de leurs secrets. »« Je ne la croyais pas si morte. » Elle ajoutait distinctement. « 880 francs. »« Ce que vous faites n'est pas bien. » murmura Frédéric. Elle riait. « Mais, cher ami, c'est la première grâce que je vous demande. Mais vous ne serez pas un mari aimable, savez-vous ?» Quelqu'un venait de lancer une surenchère. Elle leva la main. « 900 francs. »« 900 francs, » répéta maître Berthelmot. « 910, 15, 20, 30, » glapissait le crieur, tout en parcourant du regard l'assistance avec des hochements de tête saccadés. « Prouvez-moi que ma femme est raisonnable, » dit Frédéric. Il l'entraîna doucement vers la porte. Le commissaire-priseur continuait. « Allons, allons, messieurs, 930, y a-t-il marchand en 930 ?» Madame d'Ambreuse, qui était arrivée sur le seuil, s'arrêta et d'une voix haute, « 1000 francs !» Il y eut un frisson dans le public, un silence. « 1000 francs, messieurs, 1000 francs, personne ne dit rien, bien vu, 1000 francs, adjugé. » Le marteau d'ivoire s'abattit. Elle fit passer sa carte. On lui envoyait le coffret. Elle le plongea dans son manchon. Frédéric sentit un grand froid lui traverser le cœur. Madame d'Ambreuse n'avait pas quitté son bras. Il n'osa le regarder en face, jusque dans la rue où l'attendait sa voiture. Elle s'y jeta comme un voleur qui s'échappe, et quand elle fut assise, se retourna vers Frédéric. Il avait son chapeau à la main. « Vous ne montez pas ? « Non, madame. » Et la saluant froidement, il ferma la portière, puis fit signe au cocher de partir. Il éprouva d'abord un sentiment de joie et d'indépendance reconquise. Il était fier d'avoir vengé madame Arnoux en lui sacrifiant une fortune. Puis, il fut étonné de son action et une courbature infinie l'accabla. Le lendemain matin, son domestique lui apprit les nouvelles. L'état de siège était décrété, l'assemblée dissoute et une partie des représentants du peuple à Mazas. Les affaires publiques le laissèrent indifférent tant il était préoccupé des siennes. Il écrivit à des fournisseurs pour décommander plusieurs emplettes relatives à son mariage, qui lui apparaissaient maintenant comme une spéculation un peu ignoble. Et il exécrait Madame d'Ambreuse parce qu'il avait manqué, à cause d'elle, commettre une bassesse. Il en oubliait la maréchale, ne s'inquiétait même pas de Madame Arnoux, ne songeant qu'à lui, à lui seul, perdu dans les décombres de ses rêves, malade, plein de douleur et de découragement. Et en haine du milieu factice où il avait tant souffert, il souhaitait la fraîcheur de l'herbe, le repos de la province, une vie somnolente passée à l'ombre du toit natal, avec des cœurs ingénus. Le mercredi soir enfin, il sortit. Des groupes nombreux stationnaient sur le boulevard. De temps à autre, une patrouille les dissipait. Ils se reformaient derrière elle. On parlait librement. On vociférait contre la troupe des plaisanteries et des injures, sans rien de plus. « Comment ? Est-ce qu'on ne va pas se battre ?» dit Frédéric à un ouvrier. L'homme en blouse lui répondit. « Pas si bête de nous faire tuer pour les bourgeois, qu'ils s'arrangent. » Et un monsieur grommela, tout en regardant de travers le faubourien. « Canaille de socialistes, si on pouvait cette fois les exterminer !» Frédéric ne comprenait rien à tant de rancune et de sottise. Son dégoût de Paris en augmenta, et le surlendemain, il partit pour Nogent par le premier convoi. Les maisons bientôt disparurent, la campagne s'élargit. Seul dans son wagon et les pieds sur la banquette, il ruminait les événements des derniers jours, tout son passé. Le souvenir de Louise lui revint. Elle m'aimait, celle-là. J'ai eu tort de ne pas saisir ce bonheur. Bah, n'y pensons plus. Puis, cinq minutes après, qui sait cependant ? Plus tard, pourquoi pas ? Sa rêverie, comme ses yeux, s'enfonçait dans de vagues horizons. Elle était naïve, une paysanne, presque une sauvage, mais si bonne. À mesure qu'il avançait vers Nogent, elle se rapprochait de lui. Quand on traversa les prairies de Sourdin, il l'aperçut sous les peupliers comme autrefois, coupant des joncs au bord des flaques d'eau. On arrivait, il descendit. Puis il s'accouda sur le pont pour voir l'île et le jardin où il s'était promené un jour de soleil. Et l'étourdissement du voyage et du grand air, la faiblesse qu'il gardait de ses émotions récentes, lui causant une sorte d'exaltation, il se dit « Elle est peut-être sortie, si j'allais la rencontrer. » La cloche de Saint-Laurent tintait, et il y avait sur la place, devant l'église, un rassemblement de pauvres, avec une calèche, la selle du pays, celle qui servait pour les noces, quand, sous le portail, tout à coup, dans un flot de bourgeois en cravate blanche, de nouveaux mariés parurent. Il se crut halluciné. Mais non, c'était bien elle, Louise, couverte d'un voile blanc qui tombait de ses cheveux rouges à ses talons. Et c'était bien lui, des lauriers, portant un habit bleu brodé d'argent, un costume de préfet. Pourquoi donc ? Frédéric se cacha dans l'angle d'une maison pour laisser passer le cortège. Honteux, vaincu, écrasé, il retourna vers le chemin de fer et s'en revint à Paris. Son cocher de fiacre assura que les barricades étaient dressées depuis le château d'eau jusqu'au gymnase, et pris par le faubourg Saint-Martin. Au coin de la rue de Provence, Frédéric mit pied à terre pour gagner les boulevards. Il était 5 heures, une pluie fine tombait, des bourgeois occupaient le trottoir du côté de l'opéra, les maisons d'en face étaient closes, personne aux fenêtres. Dans toute la largeur du boulevard, des dragons galopaient, à fond de train, penchés sur leurs chevaux, le sabre nu, et les crinières de leurs casques et leurs grands manteaux blancs soulevés derrière eux passaient sur la lumière des becs de gaz qui se tordaient au vent dans la brume. La foule les regardait, muette, terrifiée. Entre les charges de cavalerie, des escouades de sergents de ville survenaient pour faire refluer le monde dans les rues. Mais sur les marches de Tortoni, un homme, Dussardier, remarquable de loin à sa haute taille, restait sans plus bouger qu'une cariatide. Un des agents qui marchait en tête, le tricorne sur les yeux, le menaça de son épée. L'autre alors, s'avançant d'un pas, se mit à crier « Vive la République !» Il tomba sur le dos, les bras en croix. Un hurlement d'horreur s'éleva de la foule. L'agent fit un cercle autour de lui avec son regard, et Frédéric, béant, reconnut Sénécal.